Un grand merci pour votre intervention, Patrice, et cette mise en perspective, je dirais, historique, technique, mais aussi internationale, ce qui est quelque chose de très précieux et qu'on va chercher aussi à approfondir dans le cadre de ce séminaire. Et avant de passer évidemment ensuite la parole à la salle et à une session de questions, eh bien, je vous propose qu'on voit ce fameux extrait de French Democracy, qui donc est effectivement un film qui a été qui est réalisé, vous l'avez dit évidemment, à partir d'un jeu vidéo. C'est une sorte de docu-fiction donc sur les émeutes de banlieue, donc après l'automne 2005, et qui a été mis en ligne, je n'ai pas revérifié, je crois, en mars 2006. Je me tourne vers mes camarades, il me semble que c'était une mise en ligne en mars 2006. C'est l'automne 2006. Dès l'automne, ça dépend sur quel site. Donc quasiment immédiatement, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que c'est posté quasiment immédiatement. Donc on se resitue aussi dans le contexte de l'époque. Alain, tu me faisais quand même remarquer que effectivement à l'époque, c'était normal qu'on ait des vidéos aussi compressées sur Internet. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des compressions moins fortes. Mais c'est vraiment donc le document qui a été posté tel quel, donc alors à l'automne 2005, donc dès juste après les émeutes, quoi, vraiment. Ok. Donc, on peut peut-être attendre. Oui, c'est ça, mais c'est exactement au même moment, alors. C'est vraiment au même moment. C'est encore plus important. Mais... Thank you. Le film dure 13 minutes. Hein. Là, on a regardé le début. 5 minutes. Donc, ben, on vous propose...